sur la plage de Balutel. J'suis venue avec la marée, guidée par deux, trois petits coups d'aile. Là-haut sur le gros rocher, j'ai nagé à perdre haleine. Pour ne pas rater la marée, et maintenant je suis la reine de la crique ensoleillée. J'ai quitté mon gros pull en laine que maman m'avait tricoté avant que je parte pour Balutel de la banquise frigorifiée. En tout cas, ça valait la peine de faire un si long trajet. J'en ai vu des filets. Une aubaine, ici je me sois installée.